إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فنبدأ في درسنا وما زلنا في دراسة مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. Donc les frères, on commence directement, inshallah. On est toujours sur l'étude de la Muqaddima de l'imam Ibn Abi Zayd, ce grand érudit et illustre savant, spécialiste du madhab al-Maliki. Donc hier, on avait parlé des différentes catégories d'attributs. On avait parlé de al-sifat al-dhatiya ou al-sifat al-fi'liya. Et comme on est au début du cours, donc on peut parler là un peu de ces différentes catégories de sifat. Pourquoi on a parlé de ces catégories de sifat, sifat al-dhatiya ou sifat al-fi'liya? Du fait qu'on a parlé de aussi bien de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est nommé sifat al-ulu, l'attribut de l'élévation. Et on a parlé de sifat al-istiwa, l'attribut de al-istiwa, le fait qu'Allah s'est élevé, est établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Et là, on avait deux exemples, ici, aussi bien de sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya. Du fait que l'attribut de l'élévation est considéré comme un attribut de dhatiya, d'essence, lié à l'être, à l'entité même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sifat al-istiwa, l'attribut de l'istiwa est considéré comme un attribut ici d'acte. Ce qu'on appelle sifat al-fi'liya. Sifat al-fi'liya. Donc c'est un attribut d'action. De ce fait, on a parlé de cela dans le cours d'hier, dans le cours précédent. Et de ce fait, donc, on a eu, walillahi alhamd, deux exemples ici. Et ça nous a permis de parler, de nous familiariser un peu avec ce que nous ont enseigné les savants concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que aussi bien sifat dhatiya que sifat al-fi'liya, ils rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle sifat al-thubutiya. Ils rentrent dans la catégorie de ce qu'on nomme et ce qu'on appelle sifat al-thubutiya. Les attributs affirmés. Pourquoi? Parce que avant de dire que les attributs se divisent en deux catégories, comme on l'avait dit hier, en disant sifat dhatiya ou sifat al-fi'liya, avant cela, certains savants ont mentionné qu'il y a deux formes d'attributs, c'est-à-dire principales, deux catégories principales d'attributs. C'est ce qu'on appelle sifat salbiya ou sifat al-thubutiya. Il y a des attributs de négation qui sont niés, et il y a des attributs confirmés, qu'on appelle affirmés. Et pour avoir plus de détails sur cela, vous pouvez revenir à un très beau livre qui s'appelle Qawaid al-Muthla de Cheikh Ibn Uthaymeen. Cheikh Ibn Uthaymeen, dans les règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mentionner ici cette sorte de subdivision et cette mention des différentes catégories en mentionnant que as-sifat, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut ici mentionner ces deux catégories principales comme première catégorie as-sifat as-salbiya ou as-sifat as-thubutiya. Deuxièmement, les attributs de négation et les attributs d'affirmation. Ensuite, c'est dans la deuxième catégorie principale, les attributs d'affirmation, on dit que as-sifat thubutiya tanqasimu ila qismayn, as-sifat dhatiya wa as-sifat al-fi'liya. As-sifat dhatiya wa as-sifat al-fi'liya. Comme a mentionné cela Cheikh Ibn Uthaymeen. Et lui-même Cheikh Ibn Uthaymeen, il est l'auteur de Al-Qawaid al-Muthla et il est l'auteur lui-même aussi du commentaire. Comme il a rédigé le livre Al-Qawaid al-Muthla, c'est-à-dire ce sont des règles qui sont liées au domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un très beau livre et dedans il a même fait aussi la recherche et sur les 99 noms d'Allah qui sont connus, et bien sûr on avait appris qu'il y en a d'autres, mais ceux qu'on connaît, les 99 noms d'Allah, qui sont aussi bien confirmés dans le Coran et dans la Sunna pure et authentique du prophète al-Ghassalatu wassalam. Et il a fait une recherche et il a trouvé dans le Coran et dans la Sunna les 99 noms, il les a mentionnés dans le Qaïd al-Muthla. Donc dans ce livre, il nous mentionne et nous enseigne les règles liées aux noms sublimes et aux attributs de perfection. Aux attributs de perfection. Et il en a fait lui-même le commentaire. Il l'a commenté, vous pouvez le trouver en audio, c'est en audio et ça a été retranscrit et émis en livre. En livre. Donc c'est pertinent du fait qu'on a aussi bien l'écrit du shir, de l'auteur, et le commentaire de l'auteur. Donc, celui qui va commenter son écrit, il n'y a pas mieux connaisseur de celui qui l'a écrit. Donc, lui-même connaît ses paroles et connaissait ses intentions. Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ses paroles ? C'est pour ça que c'est pertinent de voir que lorsque un shir commente lui-même un de ses livres ou une œuvre à lui, Et dedans, justement, Cheikh nous explique, il nous parle de sifat al-salbiya ou sifat al-thubutiya. Et les attributs de négation, ce sont tout ce qu'Allah Jalla wa'ala a nié pour lui-même. Comme par exemple, le fait qu'Allah Jalla wa'ala ou al-hayy la yamut. Allah est le vivant qui ne meurt pas. Donc le fait de mourir, ça c'est quelque chose qu'on nie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne peut mourir subhanahu wa ta'ala parce qu'il est al-hayy. Il est le vivant qui ne meurt pas. Donc aussi Allah Jalla wa'ala nous dit, Allah ne dort pas. On ne peut pas dire qu'Allah Jalla wa'ala dort. Donc c'est un attribut de négation. On doit nier cela. Comme aussi la somnolence. On le nie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'oubli. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas. Donc tout cela, ce sont des attributs qu'on doit nier. Et pourquoi on doit les nier? Parce qu'on ne peut affirmer la perfection à Allah et attribuer la perfection à Allah sans nier ses attributs de négation. Vous comprenez? C'est-à-dire que aussi bien lorsqu'on affirme la deuxième catégorie principale, ici qu'on appelle al-sifat al-thubutiya, les sifat affirmés, c'est-à-dire ce sont les attributs qu'Allah Jalla wa'ala s'est affirmé pour lui-même dans son livre. Dans son livre, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah dans la sunna authentique? Et de ce fait, lorsqu'on affirme la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi pour attribuer complètement et pleinement la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nier ici les attributs de négation, comme les exemples qu'on a cités précédemment. Si on ne nie pas ces attributs d'imperfection, ou de négation, parce que ça dénote une imperfection, ces attributs de négation, on n'a pas attribué la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc on doit nier tout ce qu'Allah Jalla wa'ala a nié pour lui-même, comme le fait de somnoler, le fait de dormir, le fait d'oublier, le fait de mourir. Tout cela, Allah Jalla wa'ala n'est pas touché et concerné par cela, subhanahu wa ta'ala. On pourrait se poser une question. Et est-ce qu'à l'époque, par exemple, du prophète, al-Ghassalatu wassalam, et des compagnons, ils enseignaient les attributs de cette manière en disant les différentes catégories de sifat, sifat salbiya, sifat, sifat thubutiya, thumma tanqasim ila qismayn, sifat al-fi'liya, sifat al-dhatiya. Là. Les savants, c'est plus tard, ont été obligés de synthétiser, de simplifier, de faciliter ici cela pour que les musulmans puissent comprendre et pour que cette science authentique perdure dans le temps. Si vous voulez, c'était pour préserver ici. Et en cela, il y a une réfutation aux hérétiques. Aux hérétiques. Ceux qui sont sortis justement et se sont écartés des enseignements de nos pieux prédécesseurs. Sinon, si une personne dit, mais si ça n'existait pas autant des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi ça existe en notre temps? On leur dira, alors pourquoi la grammaire aussi? De même, lorsque, à l'époque du prophète et des compagnons, il n'y avait pas les voyelles. Il n'y avait pas les voyelles. Thumma, après l'ordre d'un compagnon, certaines histoires relatent que d'après l'ordre de Ali radiallahu ta'ala an, ensuite, le fait de démettre des règles, au sujet de la langue arabe, liée à la langue arabe, et de là va naître la science de la grammaire. Par exemple, la science de la grammaire. Pourquoi? Parce que les Arabes à l'époque du prophète, en sallam, parlaient l'arabe. Ils étaient spécialistes de la langue arabe, très forts dans la langue arabe. Et eux, lorsqu'ils parlaient, ils pratiquaient toutes les règles de grammaire que nous, on connaît aujourd'hui, ici. Et dans leur parler, ils n'avaient pas le problème dans le fait de pouvoir prononcer bien les al-harakat, les voyelles, et mettre les bonnes voyelles qu'il le fallait. Sauf qu'avec le temps, les gens ont commencé à oublier. Et le niveau de la langue arabe a commencé à baisser, on va dire, à diminuer. De là, il fallait émettre des règles pour préserver. C'était pour la préservation de la langue arabe. Pour la préservation de la langue arabe. À l'époque, on ne parlait pas de fa'il et de maf'oul. Lorsque des livres ont été rédigés par des grands imams pour préserver la langue arabe, donc là, il fallait mettre des règles, par exemple, de grammaire, pour préserver la grammaire arabe. Wa hakada. De même, par exemple, pour ilm al-tajwid, la science de la récitation du Coran. À l'époque, les compagnons lisaient le Coran comme ils l'ont entendu du prophète, alayhi salat wa salam. Et plus tard, des grands imams sont apparus, et ensuite, ont émis des règles, justement, pour que cette lecture soit préservée. Et pour ne pas qu'avec le temps, avec les siècles, hein, avec l'écoulement du temps, pour ne pas que cela s'oublie. Pour cela, ensuite, ça a été facilité, ça a été simplifié. Il y a des grands imams, ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle des manzumat. Ils ont mis cela comme dans des poèmes. C'est pour ça que les enfants, lorsqu'ils commandent, par exemple, ilm al-tajwid, ils commencent, par exemple, avec Tuhfat al-Atfal. Tuhfat al-Atfal, par exemple, un petit poème qu'on commence à apprendre ici. Et ce poème renferme les règles. Les règles qu'il faut pour, ici, la récitation du Coran comme il se doit. Ensuite, il y a des poèmes plus volumineux, plus grands. Par exemple, une des grandes références, Ibn al-Jazari, par exemple. Mohammed Ibn al-Jazari, al-Shafi'i. Al-Shafi'i qui a émis ce grand poème lié au Tajwid. Pour préserver ici les règles de Tajwid, c'est-à-dire ces règles de Tajwid qui ont été émises pour la préservation de la récitation du Coran. Ouais, kada. De même dans la croyance dans la Aqidah. À l'époque des compagnons, vous n'avez pas de athar, par exemple, que les compagnons disaient Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, ou l'Asma wa Sifat. Pourquoi? Parce que, à leur époque, les gens connaissaient. Pour eux, Tawhid était lié à la seigneurie d'Allah, il était lié au domaine de l'adoration, il était lié au domaine des noms et des attributs. Donc, entre guillemets, on utilise le terme unifié, toujours entre guillemets, si l'expression est bonne, on reste entre guillemets, ils unifient Allah aussi bien dans la seigneurie que à travers de l'adoration et à travers ses noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'avec le temps, sont apparus des gens qui ont restreint le tawhid à unifier Allah Jalla wa ala dans le domaine de la seigneurie. Donc il a fallu rappeler aux gens que aussi le domaine de l'adoration fait partie du tawhid. Donc pour cela, les savants ont insisté sur ce fait, et là on dit qu'il y a tawhid al-ubudiyya, tawhid al-uluhiyya, pour préserver justement le domaine de l'adoration. Puisque quand sont apparues certaines doctrines, par exemple, ils considéraient que le polythéisme est juste lié au domaine de la seigneurie. C'est-à-dire que pour un acte d'adoration voué à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-dhabh, par exemple le fait de sacrifier une bête, pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il n'y a pas une conviction ici touchant le domaine de la seigneurie, ce n'est pas du polythéisme. C'est la conviction de certaines doctrines qui ont émergé plus tard. Donc il fallait que les savants leur disent que là, à partir du moment qu'une action est considérée comme une adoration, le fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme un acte de polythéisme. Qu'il y ait une conviction ici, remettant en cause, touchant le domaine de la seigneurie ou non, à partir du moment que l'acte d'adoration est voué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fahada shirkun akbar. Donc il fallait insister sur ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ubudiyya. Wadih al-kalam, vous comprenez? Taïb. On va continuer. Donc hier, on s'est arrêté sur, lorsqu'on a parlé de Allah al-mahfoud, la table préservée, et lorsqu'on a parlé de maratib al-qadr, les différents degrés du qadr, du destin. Et on avait terminé en mentionnant le hadith de Jibril alayhi salam, c'était pour démontrer ici l'importance du qadr, et le prophète sallallahu alayhi salam l'a mentionné lorsque Jibril interrogea le prophète sallallahu alayhi salam au sujet de l'iman. Et le prophète sallallahu alayhi salam, lorsqu'il a mentionné les six points, les six piliers de l'iman, il mentionna la croyance au qadr, au destin. Et pour croire au destin, hein, donc ça fait partie de l'iman, de la foi, de l'iman du croyant, hein, pour être croyant véritablement, il faut croire au destin. Comme on croit en Allah, en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, croire en Allah, ça implique quoi? Ça implique quatre choses. Croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms sublimes et à ses attributs de perfection. Ces quatre choses. Comme on doit croire aux anges d'une manière détaillée comme d'une manière globale et générale. Comme on doit croire aux livres d'une manière générale et d'une manière détaillée. Comme on doit croire aux prophètes et aux messagers d'une manière générale et d'une manière détaillée. Comme on doit croire au jour dernier et toutes ces étapes dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour dernier. Et on doit croire aussi au qadr, au destin. Au destin bon ou mauvais. Et de ce fait, pour croire au destin, les savants nous disent, il faut croire en quatre maratib. Si vous voulez, si on peut traduire de manière relative, en quatre degrés. Le premier degré dit, martabat al-ilm. Martabat al-ilm, le degré de la science, en Allah anima kulli shay min ilmi al-azali wa al-abadi. Qu'Allah jalla wa ala a tout su. Il sait tout, subhanahu wa ta'ala, et il saura toujours tout. Et ça, c'est indissociable. Et c'est éternel. Et c'est éternel. Et tout ce qui se passe dans cet univers, Allah l'a su, subhanahu wa ta'ala, et de ce fait, tout a été inscrit. Tout a été inscrit. Ensuite, al-kitaba. Justement, ensuite, il y a l'écriture. Tout a été inscrit aussi dans la table préservée, bien gardée. Tout a été inscrit. Tout est écrit. Ensuite, al-martabat al-thalitha, le troisième degré, ce qu'on appelle al-mashi'a. Al-mashi'a. يقول إنه إذا شاء حدوث الشيء ووجوده كان ووجد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. C'est-à-dire que le degré de la volonté, c'est-à-dire que tout ce qu'Allah désire et veut, il n'a qu'à dire soit et allez. Il n'a qu'à dire soit et allez. Et il n'y a rien dans son univers qui se passe sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah le veuille. Une traduction relative du verset. Donc pour ça, ça c'est Al-Mashiyah. Et on reparlera, Inch'Allah, si on a l'occasion, on reparlera de Al-Mashiyah et on parlera des différentes, on va dire, différentes choses qu'il nous faut savoir de Al-Mashiyah. Et si on a l'occasion, Inch'Allah, on reparlera d'une manière plus détaillée de la volonté et des deux grandes sortes de volonté qu'on appelle Al-Mashiyah Al-Kawniya wa Al-Shara'iyya. Al-Qadariyya, Al-Kawniya, Al-Qadariyya wa Al-Shara'iyya. Al-Shara'iyya. Donc on parlera, Inch'Allah, de la volonté universelle et de la volonté religieuse. Il faut bien faire la distinction entre ces deux choses si on a l'occasion dans ce qui va suivre. Wa-Rabi'a, ensuite, le quatrième degré, c'est Martabat Al-Khalq wal-Ijad ba'd al-Mashi'a. C'est la création. La création et le fait de donner existence. Donc pour bien croire au destin, il faut croire en cela. Croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses. Allah a toujours su. Il sera toujours. Et il sait, subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui est indissociable, qui est éternel. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe dans cet univers sans qu'Allah le sache. Et son savoir, sa science n'a point été précédé de l'ignorance. Subhanahu wa ta'ala. Pour croire au destin, il faut savoir qu'Allah sait tout. Et deuxièmement, il faut croire aussi en le kitaba. Ensuite, tout a été inscrit. C'est pour ça que lorsqu'une chose se passe, on dit « Ken mektoub ?»« Hada ken mektoub ?» C'était écrit. C'était écrit. Et ensuite, on a dit « Al-Mashi'a » la volonté d'Allah. Rien ne se passe dans le royaume d'Allah sans qu'Allah le veuille. Et vous ne sauriez vouloir sans qu'Allah le veuille, subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, on a dit la création et le fait de donner existence. On continue. Ensuite, l'auteur, dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est sur le trône et domine son royaume. Comme Allah Jalla wa Ala dit, et l'auteur a utilisé le terme, il est sur le trône et domine son royaume, c'est-à-dire ala al-arshi istawa wa ala al-mulki ihtawa. Vous avez vu, hein? Il dit ala al-arshi istawa, et Allah s'est élevé au-dessus de son trône, wa ala al-mulki ihtawa. Dans le sens, il domine son royaume. Allah domine son royaume. Comme Allah dit dans le Coran, biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ou Allah dit dans un autre verset, subhanalladhi biyadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Et donc on a des versets où Allah nous dit que ce royaume est entre ses mains, c'est-à-dire que biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il détient ce royaume, il est le possesseur de ce royaume, il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Falmul kulluhu lillah. La royauté absolue appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, wa innama yumallikul makhluq shay'an yasiran thumma yasrubahu minhu, subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'Allah, il est celui qui possède, donc la croyance des croyants ont la conviction, les croyants ont la conviction qu'Allah est celui qui possède tout, d'une possession absolue. Par contre, il peut donner à ses créatures une part de possession dans ce monde. Il peut donner. C'est pour ça que parmi ces créatures, il y en a qui deviennent des rois. Des rois, et ils possèdent une certaine possession de certaines terres, de certaines contrées, où il possède une autorité sur une contrée précise ou un endroit précis ou bien un pays précis. Donc Allah peut donner une certaine possession, mais qui n'est pas absolue à qui il veut. Comme dans le verset Qulillahumma malik al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Regardez, dans un verset, Allah dit, « Dis, ô toi mon Seigneur, qui possède cette royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes, c'est-à-dire tu l'enlèves, à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu rabaisses qui tu veux. » Donc vous avez vu, la royauté, c'est Allah qui la possède. Allah peut la donner à qui il veut et il peut la retirer à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit en cela, qui a une ferme croyance en cela, vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Il va comprendre un peu les choses du monde, ce qui se passe dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est Allah qui administre et qui gère ce monde. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui possède en réalité al-mulk. D'une manière absolue. Subhanahu wa ta'ala. Même les rois dans cette vie d'ici-bas, en réalité, ils sont gouvernés. Les rois dans cette vie d'ici-bas gouvernent, mais eux-mêmes sont gouvernés. Eux-mêmes, ils sont sous la souveraineté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de leur Seigneur, quel que soit leur pouvoir, et quelles que soient les contrées qu'ils dirigent et qu'ils gouvernent. Celui qui a la possession absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah peut leur enlever, quand il le désire, quand il le veut, cette royauté ou ce pouvoir. Et vous l'avez vu, que si vous lisez les livres d'histoire, combien de gens à une période donnée avaient du pouvoir, ensuite ils l'ont perdu, et d'autres l'ont pris. Et vous lisez ça dans les différentes dynasties, les différents empires qui ont régné dans le monde, lorsque vous lisez les livres d'histoire, ça, l'histoire se répète toujours, des gens qui ont un certain pouvoir, ensuite ils laisseront leur pouvoir à d'autres, et d'autres viendront, prendront leur pouvoir. Et c'est comme ça, la vie est comme ça. Et on voit même à notre époque, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, vous voyez bien à notre époque, il y a des gens qui avaient un certain pouvoir, ils gouvernaient certaines régions, certains pays, ensuite, du jour au lendemain, ils ont perdu ce pouvoir. Et d'autres ont repris ce pouvoir. Et ils perdront, ces nouveaux aussi, le pouvoir. Allah le donne à qui il veut et il le reprend à qui il veut. subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous savez ça, donc vous allez vous remettre en qui ? En celui qui détient le pouvoir absolu, subhanahu wa ta'ala. En sachant que celui qui a le pouvoir, c'est Allah qui lui a donné. Et c'est Allah qui a décrété cela. Et Allah peut lui ôter quand il le désire, subhanahu wa ta'ala. Jalla jalalu. Et c'est pour cela que ça rappelle un jour une histoire lorsqu'un roi, quelqu'un qui avait une royauté, qui dirigeait, qui était connu, hein, qui était connu, qui avait un grand empire. Il avait un grand empire. Et il était croyant. Il était croyant. Le jour de sa mort, alors qu'il était malade, il subissait les affres de la mort. Le jour de sa mort, le jour de l'agonie, alors il a commencé à demander aux gens de le sortir. De sortir dehors. Les gens commencent à le porter. Ils l'ont porté, ils l'ont sorti. Il a commencé à se jeter par terre. Dans la poussière. C'était un croyant. Et il a commencé à se jeter par terre sur la terre. Il a dit, Ya man mazala mulku, irham man zala mulku. Ô toi, à qui le royaume ne cessera jamais, fais miséricorde à celui dont le royaume a cessé. Regardez. Regardez comment il connaissait la vérité. Il savait qu'aujourd'hui, ça y est, il laissait place. C'était sa fin. C'était la fin. Il était roi. Aujourd'hui, c'est la fin. Il va quitter ce monde, il ne sera plus rien. Dans le sens au niveau de la valeur, hein, il sera ressuscité, bien sûr. On comprend, on redit pas la résurrection. Hein. Il sera ressuscité. Il sera ressuscité, mais dans sa tombe, il aura pas sa royauté, il aura pas, il n'est rien. Comme on dit, il va pas emporter ce qu'il a avec lui. Et il le savait. C'est pour cela qu'arrive un moment, il a reconnu qu'en réalité, cette royauté qui est éternelle, éternelle, dans le sens qui n'a ni de début ni de fin. Éternelle. Une royauté éternelle, sans début, sans fin, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le réel souverain. Il y a des gens qui possèdent des terres et des terres, des hectares et des hectares. Et ils gouvernent ces hectares et ces hectares. Ils ont une autorité. Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer des vents. C'est Allah qui envoie des vents. C'est pas des catastrophes naturelles. C'est pas quelque chose de naturel. Allah envoie. Peut envoyer des vents, des pluies diluviennes. Un tremblement de terre. Allah décrète cela. Cette personne qui détenait des hectares, des hectares, des hectares de palmeraies, par exemple, il peut les perdre. Du jour au lendemain. Et une personne qui en avait pas, Allah peut lui en donner. Subhanahu wa ta'ala. Combien de gens qui se sont réjouis, Allah leur a donné, ils se sont réjouis de cela, et parfois, ils se moquaient d'autres qui n'avaient pas, en disant, regarde, moi j'ai réussi dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu as réussi? Parce que pour eux, la réussite dans la vie, c'est la réussite matérielle. C'est ça une société capitaliste. C'est, on considère les gens, leur réussite, c'est dans le matériel. C'est pas que ça la réussite. C'est pas que ça. Eh bien, combien de gens se sont vantés de ce qu'ils possèdent et du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils perdent tout. Et il y en a en plus, ça, comme on dit, hein, ça s'enchaîne. Il y en a, c'est pour ça ils disent, quand je suis touché par un malheur, ce prendre-là, ça s'enchaîne. Il y en a, ils ont commencé à perdre le boulot, la maison, vous n'avez pas fini de la payer, très belle maison, mais maintenant, il faut la vendre, il faut payer la banque. Donc, ils perdent ensuite la maison, tout le monde est un peu énervé, ils perdent ensuite la femme. Les enfants partent avec la femme et du jour au lendemain se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls. Et comme il n'y a pas de croyance, la personne ne va pas revenir vers son Seigneur. Il a besoin, à ce moment-là, il a besoin de son Seigneur. Il ne va pas revenir à son Seigneur. On va lui donner des médicaments. Ou on peut lui donner, lui prescrire des médicaments. Et des gens qui n'avaient rien, qu'on se moquait d'eux, toujours la main, Allah peut leur donner. Subhanahu wa ta'ala. Et parfois, si Allah ne te donne pas, parfois c'est pour ton bien. Parce qu'il sait que s'il te donne là, peut-être que ça va être la cause de ta chute et ton égarement. Donc Allah veut pour toi le bien. S'il te donne, tu dis Alhamdulillah. S'il t'a privé, tu dis Alhamdulillah. Si c'est un bien pour toi qu'il te donne, il te donnera. S'il t'a privé, c'est qu'il y a un bien pour toi. Dans tous les cas, comme il est le souverain absolu, tu lui demandes et Allah subhanahu wa ta'ala exauce les demandes subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris, lorsque je parlais de médicaments, c'est-à-dire les médicaments pour les dépressions, etc. Taïb. Ensuite, il dit, فَمُلُكُ الدُّنْيَا مَمْلُكُونَ مَلَّكَهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَنْزِعُ مِنْهُمَ الْمُلْكُ إِمَّا بِمَوْتِهِمْ. Donc vous avez vu, hein, même ceux qui ont une part de gouvernance, ils sont eux-mêmes gouvernés par le souverain, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah peut leur donner, et comme il peut leur retirer cette royauté, soit par la mort, comment Allah peut leur enlever la royauté, soit bimautihim, cher dit, imma bitasalluti ahadin alayhim, ou soit sous l'emprise d'une personne ou d'un autre qui va dominer et conquérir son pouvoir et son royaume. Amma malik al-mulk mutlaq fa huwa Allah. Amma malik al-mulk al-mutlaq fa huwa Allah jalla wa ala alladhi la yazulu mulkuhu subhanahu wa ta'ala wa la yabid. La yazul mulkuhu kama qala hadha al-malik ya malik ya man mazala mulk mulkuk irham man zala mulkuhu. Mulk Allah jalla wa ala la yazul. La yazul mulkuhu subhanahu wa ta'ala wa la yabid. Thumma qala al-musannif. Ensuite, après que l'auteur, on va continuer, hein, après que l'auteur dit, donc il est sur le trône et domine son royaume. Donc sa traduction en français de la partie lorsque l'auteur dit ala al-arsh istawa wa ala al-mulk ihtawa. Là on a expliqué cette formule wa ala al-mulk ihtawa. Ensuite, l'auteur nous dit وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى لَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً كَلَّمَ مُوسَى بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَةُ ذَاتِهِ لَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكَّ مِنْ جَلَالِهِ. Ensuite, l'auteur dit, il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus sublimes et ne cesse d'avoir tous ses attributs et ses noms. Sa glorieuse transcendance s'oppose à ce que ses attributs soient créés ou à ce que ses noms soient contingents. On va essayer de comprendre ça. Vous avez vu, hein, comme c'est des sujets un peu liés à la croyance, un peu ça, dès qu'on arrive 10 minutes avant l'Aden, on va choisir, les gens vont rentrer pour la prière, on va choisir un sujet général, et on va... Mais il faut qu'on avance quand même dans le livre. Donc je vais essayer d'expliquer ça très rapidement, et là, Cheikh Fawzan va, donc les frères, essayez de bien vous concentrer, il va bien nous expliquer, parce que là, on va parler du domaine des noms et des attributs encore. Donc il dit, Allah, ce printemps-là, détient les plus beaux noms. فَأَسْمَاهُ كُلُّهَا حُسْنَا. Tous les noms d'Allah, on les appelle les noms sublimes. Pourquoi on dit الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَا, les noms sublimes? لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ. Parce que les noms sublimes d'Allah, elles indiquent la perfection d'Allah. تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ. وَلَهَا مَعَانٍ جَلِيلًا. Et elles ont des sens immenses. Ces noms sublimes ont des sens qui sont immense, fa kullu ism minha yadullu aw minha yadullu ala sifatin azima min sifati Allah jalla wa ala, fa hiya laysat asma mujarrada wa inma hiya asma laha ma'anin azima wa lidhalika summiyat husna, fa ar-rahman yadullu ala ar-rahma wa as-sami'u yadullu ala as-sam'a wa al-basiru yadullu ala al-basar wa al-'alimu yadullu ala al-'ilm wa al-hayyu yadullu ala al-haya il a akhirihi. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont sublimes et ils sous-entendent des sens immenses. Et la règle, ce qu'il faut savoir, notez bien ça, prenez bien ça, que chaque nom sublime sous-entend un attribut. Chaque nom renferme, si vous voulez, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque nom, il y a un attribut. Chaque nom, il y a un attribut. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous donne un exemple. Shir nous donne un exemple. Lorsque Allah jalla wa ala, c'est pour ça que ce qu'il faut savoir, le Shir dit, c'est pas juste des noms dénués de sens, sans sens, sans attribut, là, ce sont des noms qui ont des sens immenses, Jalila, Ma'anin Jalila, et qui renferment des attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple lorsqu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple dans Surat al-Fatiha, on dit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah est le tout miséricordieux, très miséricordieux dans le sens relatif. Donc Allah a le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que ça renferme? Ça sous-entend que ça implique qu'Allah a l'attribut de la miséricorde. Comme Allah il est le miséricordieux, alors il fait miséricorde. Voilà, kada. Tout nom, ici, induit un attribut. Sous-entend un attribut pour chaque nom. Comme par exemple lorsqu'on dit Wahu as-samir, traduction relative, on dit toujours l'audient, hein, celui qui entend tout, subhanahu wa ta'ala, ça implique l'attribut de l'audience, qu'Allah entend, subhanahu wa ta'ala. Al-basir, souvent traduit par Allah est le clairvoyant, ça implique qu'Allah a l'attribut de la clairvoyance. Allah voit tout, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu peux te cacher pour lui désobéir en te disant, je vais me cacher dans un endroit où Allah ne me voit point? Non, tu ne peux pas te cacher. Où que tu sois, Allah te voit. Et où que tu sois, Allah t'entend. Est-ce que par exemple une personne qui voudrait mentir, ou faire le riba, ou un namima, est-ce qu'il peut trouver un endroit, se cacher dans un endroit pour qu'Allah ne l'entend pas? Il se met dans un endroit et dit, ici personne ne nous entend. Non, personne ne t'entend, mais Allah t'entend. Subhanahu wa ta'ala. Comme on avait raconté pour la petite fillette. La petite fillette un jour qui était avec sa mère à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anha. Et sa mère voulait dérober du lait, ici, par rapport à la mesure. Et sa fille lui a dit, « Ya ummi, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, ne veut pas cela. » Et sa mère lui a dit, « Oui, mais comment est-ce qu'il le verrait? Il ne le sait pas. Comment est-ce qu'il le serait puisqu'il n'est pas là, il ne le voit pas ?» Et la fille dit à sa mère, « Ummi, mais si le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, ne voit pas cela, sache qu'Allah le voit. » Mais il est rapporté que Omar ibn al-Khattab y passa à proximité de cette maison et il entendit la conversation entre cette fille et sa mère. Et de là, c'est là l'histoire lorsqu'il rentra chez lui. Alors il a réuni ses garçons, il a assis ses garçons en face de lui, une réunion, si vous voulez, avec nos mots à nous. Et ses garçons, une fois assis face à lui, il leur dit, qui est-ce d'entre vous qui veut se marier? J'ai trouvé une fille pieuse. Et un de ses fils s'est avancé, il a dit, moi, Ya Abati, moi, mon père. Et ensuite, il maria l'un de ses fils à cette fille-là. Et de ce mariage, plus tard, il y aura parmi ses descendants de ce mariage, le célèbre calife, a été surnommé un calife de l'Empire Omeyyade, Omar ibn Abdelaziz. Pour ça, il est un descendant de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Vous avez vu, la fille a dit, mais si le prince des croyants ne voit pas, n'entend pas, sache qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voit. Sache qu'Allah voit. C'est comme on avait raconté ici une histoire lorsqu'un homme qui était bon avec sa mère, et jusqu'à ce qu'ensuite, un jour, il ramena sa mère chez le médecin, puisque sa mère n'avait plus de mémoire. Et sa mère ne se rappelait même pas que c'était son fils. Et lui, il était toujours avec sa mère. Il est même rapporté que sa mère, à chaque fois, lui crachait dessus. Elle disait, mais laisse-moi, va-t'en. Et lui ne lâchait pas sa mère. Et quoi que veuille sa mère, il accomplissait tout ce que sa mère voulait. C'est un shirk qui raconte cette histoire. Et quoi que veuille sa mère, même lorsqu'il va l'emmener chez le médecin, parce qu'elle était très malade, le médecin, il était étonné. Il dit, mais comment est-ce que tu fais tout ça pour ta mère? Elle ne sait même pas que c'est ta mère. Et à chaque fois, elle lui crache dessus. Elle lui demande de s'en aller, mais va-t'en. En lui crachant dessus, imaginez-vous. Et le médecin étonné, l'enfant lui dit, même quand, si elle veut, je la ramène à la Umrah, je la ramène à la Mecque, pour accomplir la Umrah, parce que c'est ma mère. Et le médecin ensuite, il lui dit, mais Hajib, t'es étonné, mais elle te renie, elle dit que c'est pas ta mère. Et là, l'enfant dit, oui, mais elle, si elle a oublié que je suis son fils, Allah sait que c'est ma mère. Allah me voit, Allah sait que c'est ma mère. Et c'est ça la croyance de savoir que Allah, subhanahu wa ta'ala, a les attributs de perfection. Ne te cache pas. Tu peux te cacher des gens. mais tu pourras jamais te cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un imam fit un conseil à un homme qui voulait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il lui a dit, si tu veux désobéir à Allah, va dans un endroit où il ne te voit pas et où il ne t'entend pas. Alors l'homme a dit, mais il n'y a pas d'endroit où Allah ne nous voit point et il ne nous entend pas. Alors il lui a dit, désobéis-lui pas. Alors ne désobéis pas à ton Seigneur. Donc, lorsque vous apprenez les noms et les attributs d'Allah, c'est pas juste une théorie. Il faut que dans notre vie de tous les jours, on mette cela en pratique. Sauf que vous pensez que Shaitan, il va vous laisser comme ça, dans une croyance pure. Une croyance pure, un croyant qui craint son Seigneur, qui apprend les noms d'Allah, les attributs d'Allah, et connaît la perfection de son Seigneur. Et plus il apprend les noms et comprend l'essence de ces noms et des attributs d'Allah, plus il va craindre son Seigneur. Plus il va craindre son Seigneur. Lorsque vous savez qu'Allah est le puissant, qui a la puissance, une puissance immense, inimaginable, vous allez le craindre, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Shaitan ne va pas laisser les croyants comme ça. Sont apparues certaines doctrines. Lorsque sont apparues Al-Jahmiyyah, les hérétiques nommés Al-Jahmiyyah, partisans de Jahm ibn Safwan, ou Al-Mu'tazila. Mu'tazila, les partisans, comme on avait dit, de Amr ibn Ubaid, lorsqu'ils sont apparus, ils ont nié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'tazila, eux par exemple, sont venus, ils ont dit, nous on affirme les noms, contrairement à Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah, eux, avaient nié aussi bien les noms et les attributs. Al-Mu'tazila sont venus, ils ont dit, nous on affirme les noms, mais dénués de tout attribut. Wa-Sami' bila Sama, wa-Al-Basir bila Basar, Ar-Rahman bila Rahma. C'est le miséricordieux sans miséricorde, le Samir, l'audience sans audience, celui qui voit sans clairvoyance, le clairvoyant sans clairvoyance, a'udhu billah. Et ils ont nié cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ils ont fait de cela, de cette croyance-là, at-tawhid. Pour Al-Mu'tazila, cela est tawhid. C'est ça le tawhid. Regardez par exemple, Cheikh, qu'est-ce qu'il va nous dire? Cheikh Al-Fawzan. Il va nous dire, فهي كلها صفة عالية وصفات عالية ليست كصفة المخلوقين التي منها صفة ذميمة. Donc les attributs d'Allah, ce sont des attributs de perfection. C'est pas comme les attributs des créatures qui peuvent parfois, nous les créatures, les êtres humains, peuvent avoir des déficiences et des manquements et des imperfections. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par l'imperfection. Allah a les attributs de perfection. Et il dit جل جلاله لم يزل ولا يزل بجميع أسمائه وصفاته لم يحدث له صفة بعد أن لم تكن بعد أن لم تكن فأسماؤه وصفاته ملازمة له سبحانه وتعالى لا بداية لها كما أنه لا بداية له سبحانه وتعالى ولا نهاية لها كما أنه لا نهاية له سبحانه وتعالى فالله بجميع أسماء وصفاته فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي هذا رد على الذين ينفون الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء اسمعوا هذا يقول أن هؤلاء إما الجهمية والمعتزلة وكذلك المؤولة من أمثال الأشاعرة هم يقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم ولذلك من أصولهم الخمسة التوحيد وهو نفي الصفات. Là c'est très pertinent ce qu'explique Cheikh Al-Fawzan, donc j'ai avancé un peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donc détient ses noms les plus sublimes. Ses noms les plus sublimes et ses attributs parfaits sont indissociables et éternels et sans commencement et sans fin. Il faut bien le savoir, sans commencement et sans fin, et ça on l'expliquera dans le cours prochain, Inch'Allah. Et ceux qui ont nié par exemple les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a mentionné l'exemple de Al-Jahmiyyah ou Al-Mu'tazila, comme on a cité précédemment, alors pour eux, regardez, ce qu'il dit, confirmer les noms sublimes d'Allah et les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait, il dit, إِذَا أَثْبَتْنَا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَا. Si on les confirme, c'est comme si on leur a donné des associés. Comme si on lui a donné des associés. Et c'est pour cela, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, وَلِذَلِكَ مِنْ أُصُولِهِمْ الْخَمْسَا التوحيد وهو نفي الصفات. Je vous pose une question. Pour ceux qui s'en rappellent des cours passés, il dit, et comme cela pour eux, parmi leurs cinq fondamentaux, leurs cinq principes, hein, les cinq principes de leur croyance, parmi ces cinq principes-là, il y a la négation des attributs. Il y a la négation des attributs. Kamel, qu'est-ce qu'il sous-entend là, cher ici? Il sous-entend qui là? Il fait allusion à qui? Et quand, lorsqu'il dit, et parmi leurs cinq fondamentaux, leurs cinq principes, c'est-à-dire, et c'est quoi les cinq? Leurs cinq principes? Qu'est-ce qui l'aide? Vous vous rappelez? Tawhid, justement. Tawhid. Et encore? Arsent, l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et regardez ce qu'il dit. Tafaddal. Arsent. Regardez. Wa lidhalika min usulihim al-khamsa wa at-tawhid wa huwa nafy as-sifat. Là, il sous-entend le Mu'tazila. Pourquoi le Mu'tazila? Leur croyance est basée sur cinq principes. Parmi leurs fondamentaux, cinq points. Et dedans, at-tawhid. Le premier point, at-tawhid, c'est-à-dire leur croyance, at-tawhid. Mais selon leur conception à eux, leur compréhension à eux. Et pour eux, at-tawhid, ça serait de nier. Parce que pour eux, si vous affirmez les attributs, vous les associez à Allah. Vous lui donnez un associé. Qu'on va expliquer dans le cours prochain. Qu'on va expliquer dans le cours prochain. Al-Muhim. Tayyib. Donc, Al-Muhim, donc pour eux, il y a cette hérésie, hein, Al-Bida'a, Bida'at Nafi al-Sifat. C'est une innovation, Nafi al-Sifat. Et leurs cinq fondamentaux, par exemple, ils disent Al-Tawhid, ou Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, ou Al-Wa'd, ou Al-Wa'id, ou Al-Manzila Bayna Manzilatayn. Al-Manzila Bayna Manzilatayn, ça fait cinq. Al-Tawhid, ou Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, ou Al-Amr, Al-Wa'd, ou Al-Wa'id, وَالْمَنْزِلَ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنَ. Ça, c'est les fondamentaux de Mu'tazila. Et demain, on expliquera c'est quoi leur conception donc du, leur conception du tawhid, du tawhid. Et comment se sont-ils opposés, hein, à la croyance des gens de la sunna. Ils ont été nommés le Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui se sont isolés et atazalu min hilaqil ilm l'imam al-Hassan al-Basri. L'imam al-Hassani البصري. طيب on va s'arrêter là parce qu'ensuite c'est on va prendre ça pour demain inshallah, puisqu'après ça, c'est un peu plus compliqué, et demain au début du cours inshallah on expliquera cela inshallah. والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك